et des mesures, on se sentirait pas plus seul, pas besoin de littérature. Ce que tu arrives pas à dire, ouais, tu arrives pas à le cacher. Ça s'échappe quand tu respires, ça s'entend quand tu te tais. Tu n'es pas pire si tu crois que tu parles avec ton cœur.